Les 42e compétitions sportives nationales juniors et cadets pour le prix de Chongilbon sont clôturées le 6 septembre. La cérémonie de clôture a eu lieu à la maison de l'Union de la jeunesse à Pyongyang en présence de Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, des cadres intéressés, des entraîneurs des cercles sportifs spécialisés, des joueurs et des jeunes et enfants de la ville de Pyongyang. La ville de Pyongyang s'est classée première au classement général. En outre, 45 joueurs sont sélectionnés comme les meilleurs joueurs 18 avril et ils ont reçu les coupes, médailles, etc.